Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Pas de surprise, si vous suivez nos podcasts les uns après les autres, alors vous savez qu'aujourd'hui nous sommes avec Virginie. On va faire un petit récap pour celles et ceux qui auraient manqué le dernier épisode. Virginie est la femme de Bruno, ils vivent ensemble depuis 15 ans et ont deux ados à la maison de 13 et 19 ans. Leur vie a été bouleversée il y a 3 ans quand Virginie a été diagnostiquée d'un premier cancer de l'œsophage. Après chimiothérapie et radiothérapie, Virginie a été touchée d'un second cancer, qui a nécessité cette fois-ci une chirurgie très lourde que l'on appelle pharyngolaryngectomie totale circulaire. En d'autres termes, pour guérir, les chirurgiens ont dû opérer Virginie pour lui retirer le pharynx, le larynx, ainsi qu'une partie de l'œsophage. Alors, vous l'entendez avec moi, parler sans corde vocale, oui, c'est possible, mais parler sans corde vocale, ni larynx, ni pharynx, et sans une partie de l'œsophage, eh bien oui, c'est toujours possible et Virginie en est la force incarnée. À l'aide d'un petit appareil qu'on appelle laryngophone, Virginie peut continuer à s'exprimer. Et je peux vous dire qu'elle en a des histoires à nous raconter. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous sublimons un nouveau style de voix que l'on appelle la voix prothétique. Bonjour Virginie. Bonjour Émilie. Alors, déjà, je tiens à te redire, mais merci infiniment de prendre la parole avec nous aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Et comme je te le disais, vraiment, on va à ton rythme. Si t'as besoin de faire des pauses ou quoi que ce soit, vraiment, on y va tranquillement. Alors, moi, je le vois, ce petit appareil, donc le laryngophone, donc je vois à quoi il ressemble. Mais est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous écoutent à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne? Alors, le laryngophone, c'est un peu comme un tube. Il y a une membrane dans la partie supérieure que j'applique. On met nous le mandon et en est un petit bouton. Le laryngophone produit une vibration. Les articules se produire des mots, des phrases. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé aussi ces changements de voix progressifs? Alors, pour mon premier cancer d'une chimio radiothérapie concomitante, les doses de radiothérapie et la chimiothérapie étaient quand même très agressives. Et ça a provoqué une sténose de la trachée. Donc on est aujourd'hui le 29 décembre 2021. On a dû pratiquer une drague de décharge. Je vais mourir. C'est mon mari qui m'a demandé en urgence. Au départ, c'était très compliqué. J'étais encore en soin. indéniable les aimables. Nous avons eu dedans, par exemple, Monsieur Beauvais, à ne plus pouvoir parler du tout. Non seulement, n'arrêtez plus à communiquer, mais en plus, je n'étais pas en condition de pouvoir élaborer d'autres stratégies de communication. Donc, j'ai parmi là, j'ai vraiment, vraiment le milieu, surtout le fait d'être coupé de mes enfants. C'est une situation très difficile. On ne savait pas si j'allais m'en sortir parce que j'étais vraiment sur le vide. Virginie a été traitée lors de son premier cancer par chimiothérapie et radiothérapie. Et comme son cancer était localisé au niveau du larynx, la radiothérapie a brûlé les tissus à l'intérieur de la trachée, lui provoquant une sténose, c'est-à-dire que la trachée était complètement obstruée et ça rendait le passage de l'air des poumons au nez très difficile. Virginie s'asphyxia. Avec son mari, ils sont partis en urgence à l'hôpital, où ils l'ont réalisé une trachéotomie de décompression. Il s'agit d'une opération qui est réalisée en urgence, donc, et où on a fait une petite incision à la base du cou pour permettre le passage de l'air des poumons vers la gorge. Et pour permettre ce passage de l'air, on pose ce qu'on appelle une canule. C'est un petit tuyau qui relie la trachée à la base du cou. Il en existe plusieurs. On a les canules à ballonnet, les canules fenêtrées, qui permettent de parler ou non. Et dans le cas de Virginie, elle n'arrivait plus du tout à parler. Et de plus, sa canule lui faisait extrêmement mal. Elle a donc décidé de retourner à l'hôpital pour revoir les médecins et décider ensemble ce qui était possible de faire pour la soulager. J'ai eu un courrier à ma chirurgienne pour aller la voir. En allant la voir, je lui ai dit voilà. Moi, je n'arrive pas à parler. Avec cette canule, elle me fait extrêmement mal. Elle m'irrite. Les soins sont extrêmement douloureux. C'est l'enfer. On a des canulés. Malheureusement, je recommence à m'agiviser. Donc un mois après, le 7 avril, on a dû refaire ça. C'est la seule fois où j'ai pleuré en bébé de tout mon parcours. Parce que le projet de Dieu avait été tellement gauchemardesque et douloureux que je me suis dit, non mais, si c'est l'enfer comme ça, je sais pas si je vais réussir à te tirer. Elle me dit, on va prendre le temps. Si moi je reste dans l'hôpital, c'est jusqu'à temps qu'on trouve la bonne canule. Donc il y avait le premier critère, c'était je ne veux plus avoir mal. Le deuxième, je veux parler. Et ça fait une canule à éclater. Ok. Et là, j'étais confortable. Et donc, comme j'avais une canule sonatoire, ça fait comme une drapage. Moi, je disais que j'avais un chat dans la gorge avec la drapage. Donc là, ça a été une deuxième étape. Au départ, ça a été vraiment... En fait, je voudrais que ça ne vous entend pas, mais ça a été très drôle. Parce que je n'avais aucune modularité. Et en plus, je n'arrivais pas à réguler mon niveau de voix. Donc mon mari me disait, arrête de me crier dessus. Mais je ne crie pas dessus. L'orthophoniste, on vise mon deuxième à l'orthophoniste. De l'orthophoniste. Donc, ce que je raconte. De l'ordonnance. Une fois la maladie que j'appelle pour changer le rendez-vous. Elle me dit, arrêtez de me hurler dessus, monsieur. Alors, un, je suis madame. Deux, je ne hurle pas. Oui, mais si vous continuez, je vais vous raccrocher au nez, etc. Changer de ton, etc. Bah, c'est un libre mot. Incroyable, j'étais obligé d'expliquer. Non, je suis madame. Elle s'est excusée après, j'ai dit non. Vous inquiétez pas, je comprends. C'est pas grave. Donc, au départ, on m'appelait monsieur au téléphone. Ça m'agaçait. Mais je prenais toujours le temps de l'expliquer parce que je comprends. Personne en face ne veut savoir. Au départ, mon mari voyait le regard des autres. Tu me disais, non mais aujourd'hui je veux pas te gager. Mais bien vouloir, je disais non. Les amis aujourd'hui, après les gens ont le droit d'être curieux. Je goûtais. Je me regardais, ça ne me dérange pas. Et ils ont des questions, moi je réponds. Mais moi j'étais sûr pour lui. On était assis au restaurant en famille. Il y avait une table à côté de nous. La dame m'a regardé. Ils se sont levés avec son mari. Et ils ont inversé les places. Elle ne pouvait pas me voir dans la diagonale. Je comprends, les Allemands sont morts. Ça va être plein d'oublier, c'est quand même un trou. Avec un tuyau qui rentre dedans. Tout le monde a des niveaux de sensibilité différents. Et C'est ça. Ouais. Il y a toujours trop de bois de galant en bas, dans, devant la boutique de mon ami. Et ma mari, donc elle fait pas attention à regarder du green. Et puis on lui dit, elle me dit, ah, vous avez un chat dans la gorge. Et là, j'éclate de rire. Et bah alors là, ouais, j'ai même la drape à chat qui va avec. Elle croyait pas si bien dire. Nous, on en rien. Avec mes enfants, je faisais Scooby-Doo. Et mes animés Scooby-Doo. Oui. Parce que quand je faisais ça, le la bête de la trappe claquait comme la médaille du chien Scooby-Doo. Je vois. Et je faisais super bien le bruit du chien Scooby-Doo. Donc voilà, on avait trouvé tout un tas de trucs comme ça. Bref, ça avait fait petit à petit apprivoiser. Mais me poser la question de mon avenir professionnel. Jamais ce que je faisais en tant que psychothérapeute avoir une telle atteinte au corps, c'est compliqué. Parce que tous les gens qui souffrent de schizophobie ou d'angoisse, ça ne passe pas, ça peut paralyser. Ça, c'était mon premier métier. Le deuxième, j'étais animatrice de groupe d'analyse des pratiques professionnelles en institution médico-sociale, socio-éducative. Les groupes, en moyenne, c'était 2 heures. Ma voix ne tenait pas 2 heures. Avec cette nouvelle canule, Virginie avait une voix différente, sûrement plus rauque que sa voix de base. Cette voix robotique que l'on entend aujourd'hui est arrivée bien plus tard, lors du deuxième cancer. Moi, j'avais quand même tout le temps des lésions au niveau des glandes vocales. Donc, d'un côté, j'étais toujours en surveillance langue et glandes vocales avec les fameuses nasomicroscopies et neuromuscopies pour le fan. Et de l'autre, la sténo ne redescendait pas, on surveillait la face de la langue, les cordes vocales. À un moment donné, on a fait des biopsies. Et celles-là ont révélé que les cellules cancéreuses avaient passé ce qu'on appelle la barrière basale. Donc là, il n'y avait plus de questions à se poser. Et en l'occurrence, moi, j'étais pharyngo, laryngectomie, avec un bout d'œsophage. Plus tout le virage ganglionnaire, donc triangulaire. Une pharyngo, laryngectomie totale, en fait, va permettre de dissocier la partie digestive de la partie respiratoire. On connecte de la brachie au trou à la base de la gorge, et ensuite, on passe au jejunum, on relie la bouche, à le nez, la bouche. Avec la vie épicale, directement avec l'estomac. Donc les deux ont dissocié. Là, j'avais un mois pour me préparer. Et surtout préparer ma famille. Parce que lorsque je l'ai vu, j'ai posé la question juste avant moi. Il y avait un monsieur qui avait un gilet de voix. Je lui dis, mais est-ce que je vais avoir l'homme, le monsieur d'avant? Elle m'a dit, non, même pas ça. Vous n'aurez rien. Même pas les livres à la honte de votre jugement aujourd'hui. Là, j'ai préparé mes enfants et mon mari au fait que je n'aurais plus de voix, que j'étais la dernière voix. Ils entendaient ma voix. J'ai demandé à mes enfants s'ils voulaient garder quelque part des enregistrements de ma voix. Le plus jeune a dit oui. Moi, j'avais en fait vraiment deux questions cruciales avant l'opération. Comment je vais faire? Nous allons continuer à éliminer mes enfants. Les glorieux de nom, le plus grand d'éducation est fait. Mais mon plus jeune, il a encore 13 ans aujourd'hui. Donc l'année dernière, il en avait 12. Pleine adolescence, le collège, génial. Et là, je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir... Comment je vais continuer à être le même? Comment je vais pouvoir continuer à éduquer? C'est une vraie question pour moi. Et la deuxième, c'était mon couple. L'équilibre de mon couple repose sur le fait que nous sommes deux opposés. Et la complémentarité se fait dans l'espace de dialogue. Sauf que là, on allait être dans des équilibres totaux. C'était une vraie question. Là aussi, les réponses elles se sont construites au fur et à mesure et après l'opération. Ensuite, on a surtout projeté et réfléchi ensemble comment j'allais faire. Donc, il y avait l'ardoise, j'avais cherché. Moi, je venais du milieu du handicap. Donc, j'ai cherché des interfaces vocales. Ce qu'on appelle les textes, 12 bits, tu écris un texte, et une voix prononce les phrases, et t'avais aussi ton écoute de ce que t'es le laryngophone. À l'époque aussi, j'avais demandé à ma vie à revienne. Est-ce qu'il y a une prothèse bonatoire possible? Oui, c'est ça, parce qu'il y avait plusieurs solutions qui pouvaient s'offrir à toi. Oui. La prothèse phonatoire, c'est comme un clapet en fait qu'on pose et qui permet le passage de l'air de la trachée vers la cavité buccale. Et c'est ce qu'on appelle la voie trachéo-œsophagienne. On a également ce qu'on appelle la voie oro-œsophagienne. C'est la voie avec injection d'air. Donc en fait, on avale de l'air. Et ensuite, bah, c'est ce qu'on fait comme quand on est enfant. On grotte en parlant. Oui, alors évidemment, mon deuxième fils, j'étais très enthousiasmé à l'idée de devoir m'apprendre cette voix dans laquelle il excelle. Oui, il a maîtrisé bien ça. Ah oui, pas de problème. Et on a aussi ce qu'on appelle la voix prothétique, qui est donc ta voix actuelle, où on parle à l'aide d'un laryngophone, donc c'est ce petit appareil que tu poses sur ton cou, et avec les muscles au niveau de ton cou, ce petit appareil en haut-parleur, et ça reproduit un son. Mon aîné lui était plus intéressé par le côté voix de laryngophone ou de laryngophone au niveau. Donc voilà, c'est des choses qu'on a réfléchi ensemble, et avec mon aîné, c'est avec lui qu'on s'est posé la question. Une fois que je n'aurai plus de voix, quelle allait être ma voix intérieure? Donc la voix rosomadienne, actuellement, depuis le mois de janvier, je suis en orthophonie. Il faut que le jeune homme s'éduque, se donne vie et apprenne à vibrer. Donc, c'est pas exclu que tu puisses parler avec la voix oro-œsophagienne. Oui, un jour, je ne peux pas avoir une seule voix. Parce que si mon laryngophone tombe en panne, c'est mort. S'il y a du bruit, on ne m'entend pas. Donc moi, je veux pouvoir communiquer toujours. Je veux avoir la voix oro-œsophagienne comme autre possibilité. Et puis j'ai tout ça d'appeler un peu de magadon. C'est un peu le SMS. En fait, de la langue des signes. Et avec mes enfants, je communique aussi comme ça. Ils lisent en bas sur les lèvres. Avec mes enfants aussi, on utilise beaucoup le magadon à table, par exemple. Oui. Ok. Je vois ça pas vite. Donc, il y a tout un tas de gestes comme ça. Ils ont rodé avec les amis. Si quelqu'un veut mettre de la musique. J'ai fini, moi je ne peux plus parler. Dès qu'il y a un peu d'alcool, les gens parlent beaucoup plus fort. Et ne sont plus du tout empathiques. Et là, en général, moi les fins de soirée, je les passe tranquillement à observer, à écouter. Et j'ai appris vraiment à être autrement. Parce que ça change quand même beaucoup de choses. Mais quand on a un laryngophone, le débit n'est pas le même. Et si tu vas te ramener au vol, par exemple, quelque chose, c'est trop tard. Donc en fait, au départ, j'essayais de faire. En fait, c'était pas très réfléchi, mais j'essayais vraiment d'être un peu comme avant. Mais en fait, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas. Donc, je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment j'ai envie d'être? Et puis, peut-être que je, au moins je vais parler, mentir des choses utiles ou intelligentes, ça me changera. Donc, on va aller un peu plus à l'essentiel. Il y a eu vraiment ce temps de réflexion où je me suis mis dans ma bulle. Est-ce que tu dirais que t'as perdu un peu en spontanéité? Alors, au départ, oui, mais après, non. Puisque j'ai comme une mise à jour, on fait tout le temps, tout au long de notre vie. On est différentes d'il y a un mois, d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Et ça se fait au milieu de l'eau. La différence, c'est que cette évolution-là est un peu plus conscientisée que les autres. Mais au final, aujourd'hui, c'est très spontané. Par contre, il y a quand même une chose qui me manque. C'est le rire. Je ne peux plus rire. Et je n'ai plus l'effet cathartique du rire. Si tu n'arrives pas à produire le rire, tu n'as pas l'effet libérateur qui va avec. Et là où ça m'a vraiment gêné, au départ, j'ai encore des enfants dont un jeune. Et une fois, il y a une voiture qui a traversé le trottoir et mon fils arrivait. Moi, de là où j'étais, je la voyais, mais de là où il était, il ne pouvait pas la voir. C'est le tableau, le grime. Le grime ne sort pas, je ne peux pas crier. Et là, vraiment, la vulnérabilité, au départ, elle était très forte. Après, j'ai réussi à composer. J'ai réalisé tout un tas de réadaptations anodines, mais qui sont très fortes. Et le téléphone, j'ai renoncé. Hormis, mon mari me comprend. Mes enfants me comprennent au téléphone. Mes soignants, mais tous les autres. J'ai essayé, mais j'en ai trop marre de me faire allonger au nez. Je ne parle pas quand je veux, je parle quand je veux. Et donc, au téléphone, si on n'a pas cette cadence-là, des fois, j'ai même pas le temps de dire bonjour que les gens ont déjà raccroché. Ou alors, derrière, non mais, allô, allô, j'essaye de dire, attendez, je vous explique, j'ai un handicap. Au revoir, allez-y, suivant. Donc moi, j'ai renoncé. Alors du coup, maintenant, tu n'utilises plus le téléphone, mais est-ce que sur ta voix d'avant, t'avais déjà été confronté à des situations où on ne te croit pas quand tu énonces ton identité? Alors, je pense que j'ai un certain aplomb. Donc, quand je dis quelque chose, on va dire que même là, ça doit s'entendre. Tu peux avoir une certaine autorité dans la manière de poser. Donc quand je disais, voilà, je vous explique. En général, ça posait les choses. Est-ce que cette question m'est venue parce que j'ai été confronté à ça, au fait de... Où je dis qui je suis, j'énonce mon identité. Mais c'était un opérateur téléphonique, enfin c'était du démarchage, voilà. Et je me suis fait raccrocher au nez, mais parce que la personne ne m'a pas cru... Pas cru quand je dis que je m'appelais bien Émilie, non. Normalement, ces personnes-là n'ont pas le droit, en plus, de raccrocher en premier. Mais non, mais c'était vraiment moi. Bon, au final, ça m'a évité une conversation de démarchage. Alors, tu es la seule qui se lamente sur le fait de ne pas avoir pu discuter avec ceux qui passent leur temps à démarcher. C'est vrai que ça va être la seule personne sur Terre à être triste de cette situation. Non, bon, ça, au final, ça m'a évité bien des... Mais c'est vrai qu'au départ, c'est assez compliqué. Ah ouais. Le premier monsieur, moi, que j'ai eu au téléphone, je me suis effondré. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais avec ma sœur et on était au camping, même. Et je retournais pour la première fois en vacances. C'était quelques mois après l'opération. Et là, c'est grosse claque, ouais. Parce que je savais que le téléphone, ça allait être une épreuve. Et quand je l'ai eu... Et en plus, la conversation était hyper fluide au départ. Et c'est la dernière phrase La personne me dit « Très bien, merci monsieur, bonne journée à vous monsieur. » Et il raccroche. Donc c'est vrai que c'est tout un travail à faire. On va parler du coup de l'alimentation. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va. Je mange normalement des légumes. Après, il y en a qui sont quand même un petit peu plus compliqués. Mais j'ai la stratégie, grâce à l'eau, de pouvoir doser ma nourriture. En fait, d'accord, ça fonctionne comme un lavabo. Donc le lavabo, c'est un échange d'air et de liquide. Ben moi c'est pareil, et par exemple si je mange des frites, je dois manger une frite, boire, parce que sinon si je fais frite, ben après mon lavabo, ça fait comme quand il est bougé. Aujourd'hui, si on va au restaurant, moi si je prends le plat principal, ils ont le temps de manger un vrai plat dessert. Hein. À la maison, moi j'ai une stratégie d'aliments très humide. Hein. Tu vois, moi je cuisine d'une manière qui est aménagée, c'est invisible pour eux. Moi je le sais, et ça me va très bien comme ça. On parlait tout à l'heure de cette fameuse petite voix intérieure, qu'on peut d'ailleurs naturellement tous entendre. Par exemple, quand on lit un livre ou qu'on lit quelque chose, on a une petite voix dans notre tête qui nous parle. Toi, à quoi elle ressemble aujourd'hui, cette petite voix intérieure? Alors, c'était toute ma question. C'est ce qu'on appelle l'endophagie, le fait de d'avoir une voix à l'intérieur. Mais ma voix écrasait ma voix intérieure. En fait, je m'en suis aperçu quand j'ai été opéré. Je ne pouvais plus produire de son. Et là, au départ, c'était drôle. Ma voix intérieure, c'était une collection de voix, c'est-à-dire que ma voix intérieure emprunterait des voix à d'autres personnes. Et puis petit à petit, ma voix, la mienne, a émergé. Je peux pas dire, elle est indescriptible. Le monde intérieur s'explore. Forcément, moi, c'est mon affinité, c'était mon métier. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'affinité avec le monde intérieur. Et je l'explore très volontiers. Okay. Mais au départ, j'étais prisonnière. De la draguer aux zombies, je n'avais pas de voix dans mes rêves. Donc là, je me réveillais et je disais, alors ça, il n'en est absolument pas question. Donc j'ai travaillé pour retrouver mon intégrité. Donc maintenant, c'est bon. Je suis libéré. Je suis moi-même. Il faut que ça se mette à jour. Donc il suffit de demander à soi-même ce qu'on veut. Et se laisser le temps de le travailler. Ouais, la seule conclusion que je pourrais faire aujourd'hui, ça n'est pas vraiment une. C'est plutôt un grand merci. Grand merci à Gorazo, à la voix, pour tout ce que l'association nous apporte. Moi, dans mon parcours d'appropriation, les voix, c'est en grande partie grâce à Gorazo qui m'a permis de me déceler dans des environnements bienveillants et sécurisés. Parce que, quand tu l'avais lu, quand t'as une nouvelle voix, que tu la maîtrises pas, que tu ne sais pas comment elle fonctionne, il n'y a qu'un environnement bienveillant qui peut te permettre de t'exercer. Moi, je l'ai eu, évidemment. En famille, celle que j'ai fondée, celle d'où je viens, les amis. Mais ça a été pour mon Gorazo. Ça a vraiment un grand merci à la voix de mon Gorazo et mon The Podcast. Parce que c'est quand même mieux noté que de faire entendre nos voix au travers d'un podcast. C'est le but, c'est le but de ce podcast, c'est de sublimer tous les styles de voix, de montrer à tous qu'il n'existe pas qu'un seul style de voix ou qu'une seule forme de beauté, exactement, parce que les cancers tête et cou touchent la voix, mais ils touchent également l'apparence physique et puis plein d'autres sujets auxquels on ne pense pas forcément, comme on l'a vu avec Mathieu, avec la gastrostomie, on peut avoir des difficultés à s'alimenter, avoir plein de difficultés aussi de la vie quotidienne, donc voilà, c'était le but avec ce podcast de